Aujourd'hui, je souhaite faire hommage au mérite d'un autre Alain, Alain Finkielkraut. Alain Finkielkraut, ton regard est droit, perçant. Il pénètre la table du plateau de télévision. Jamais tes yeux ne croisent ceux de ton interlocuteur, car tu aimes à l'affronter de biais. Fils de mort, dans de belles joutes pleines de fracas, où le n'importe quoi n'a pas sa place, non? Dans la grande tradition des Grecs qui savaient convaincre. Tu as su dire le mal qui suinte, oui, de certains gens. Oui, Alain, tu as vu juste. La barbarie nous assiège. Elle arrive. Elle est là. Elle habite la cité. Elle se marave avec la République. Elle veut la casser en deux. En trois, hein? Et ça fait ton ire être plus fort. Tu as su saisir les couleurs de l'an 2000. Elles sont bleues, blanc, rouge. Tu as su être courageux avec courage. Alain Finkielkraut, je m'incline. Et toi, la main sur le front et dans ta tour d'ivoire, tu penses.